le système que nous avons au collège, il y a une énorme autonomie. Moi, je n'apparais pas du tout comme un chef, j'apparais comme un conseiller. Je comparerais un peu ça, toute proportion gardée, à la situation qu'avait su construire le Japon à une certaine époque, où il y avait une autorité réelle qui était le shogun et où l'empereur avait un rôle de conseiller spirituel. Les cours du Collège de France par Meryl Meneghetti. S'il m'est permis d'interpréter à mon tour le Collège, je dirais que dans l'ordre des institutions, il est comme l'une des dernières ruses de l'histoire. Vous voici, comme chaque jour de cette semaine, conviés aux cours du Collège de France auquel s'associe France Culture pour partager nos recherches en marche, appréhender les mutations et les enjeux de notre monde dans un esprit interdisciplinaire. Qu'est-ce que découper les cuisses du bélier selon la norme des Grecs ? Qu'est-ce que la cuisine sacrificielle dans le polythéisme méditerranéen antique ? Existe-t-il une manière grecque de sacrifier aux dieux ? Et peut-on déceler un arrière-plan partagé dans le registre des rituels grecs et tout particulièrement dans les pratiques sacrificielles ? S'interroge Vinciane Pirène Delforge, titulaire de la chaire Religion, Histoire et Société dans le monde grec antique. L'historienne anthropologue nous initie depuis sa leçon inaugurale aux questions et aux problèmes de méthode que pose le polythéisme grec. À rebours de bien des déterminismes, elle nous entraîne en terrain exotique, sinon curieux et contre-intuitif, pour nous Européens du XXIe siècle, héritiers de deux millénaires de christianisme et d'un humanisme rationaliste. Inlassablement, elle analyse la tension entre l'unité et la diversité qui caractérise le système religieux des Grecs. Elle s'interroge pour savoir si on doit parler de religion grecque au singulier ou au pluriel. Dans la présentation de son cours, Vinciane Pirène Delforge note à propos des textes littéraires qu'ils nous permettent d'atteindre un certain degré de généralité dans la structure du sacrifice sanglant à la grecque. Cela posé, peut-on déceler un tel arrière-plan dans la documentation épigraphique elle-même, ou bien ces documents ne consignent-ils que des variations, les motifs sur une trame ? L'historienne s'attache alors à une remarquable stèle, nous dit-elle, mise au jour en 2002 en Thessalie, car elle fait apparaître pour la première fois explicitement, dans un texte épigraphique, l'expression de normes grecques pour désigner une procédure sacrificielle. L'analyse de ce texte permet de circonscrire quel type de manipulation de l'animal sacrifié était conçu comme relevant d'une manière grecque de faire. Alors, quels sont les contrastes entre les sacrifices grecs et ceux des Perses ? Peut-on distinguer un bestiaire sacrificiel différent ? Que révèle la combustion à la flamme de l'autel ? Et de l'épopée à Hérodote, en passant par la comédie, quelle trame sacrificielle peut être dégagée de la comparaison entre les textes littéraires ? Nous gagnons tout de suite l'amphithéâtre du Collège de France le 22 mars 2018 pour le cours de Vinciane Pirène Delforge, Polythéisme grec, mode d'emploi, aujourd'hui, les normes sacrificielles, partie 1. Comme nous l'avons vu la semaine dernière, le nomizein tous teus engage à la fois le registre des représentations et celui des pratiques qui concernent les dieux. Souvenez-vous, c'est la traduction que nous avons donnée de l'expression nomizein tous teus, reconnaître et honorer les dieux. Vous aviez ces deux registres qui sont en quelque sorte condensés dans un seul verbe, d'où notre difficulté de trouver un correspondant en français. Alors jusqu'ici, dans le cadre de ce cours, je vous ai beaucoup parlé de représentation. Il est temps maintenant d'en venir aux pratiques. Et tout particulièrement aux pratiques d'offrande et de sacrifice qui sont au cœur du dialogue que les Grecs instaurent avec leurs dieux, puisqu'il s'agit toujours d'une question de communication. En effet, l'articulation entre le général et le particulier, entre le singulier et le pluriel, ne concerne pas que la représentation du divin, mais bien l'ensemble du système religieux auquel on a affaire dans les cités grecques. Les rituels, quels qu'ils soient, conduisent à poser le même type de questions que la conception et la représentation des dieux. Et je repose cette question: quelle est la part de ce qui unit les communautés grecques sur un arrière-plan partagé et quelle est la part de ce qui les distingue. Et si partage il y a, s'il y a donc un ensemble à la fois de représentations et de rituels partagés, quel est le fondement de ce partage? Et la question est d'autant plus légitime que le constat de l'absence de toute autorité centralisée est évidemment tout aussi évident en contexte rituel qu'en référence à celui des représentations. Dans le monde que nous explorons ensemble, il n'y a pas d'autorité centralisée, qu'elle soit religieuse ou autre d'ailleurs. Et donc, que ce soit pour la représentation des dieux ou pour les rituels qui sont posés en leur honneur, qui sont accomplis en leur honneur, il n'y a donc pas d'instance de référence. Donc évidemment, si je pose la question de l'arrière-plan partagé, j'y arriverai, il faut évidemment essayer d'en comprendre les articulations, puisqu'on n'a pas cette référence d'autorité. C'est par le biais des processus sacrificiels que nous allons tenter de répondre à ces questions au cours des trois leçons qu'il nous reste avant le dernier cours qui sera conclusif. Car si l'appellation de norme sacrificielle ne s'affiche plus sur le programme ici pour l'avant-dernière leçon, fondamentalement, la leçon sur les tritopathoros nous permettra de poursuivre la réflexion sur les normes sacrificielles et le questionnement sur les normes sacrificielles. Comme les dieux olympiens eux-mêmes, le rituel sacrificiel, donc l'ensemble des actes qui sont posés par les Grecs dans cet échange rituel avec leurs dieux, apparaît entièrement constitué dès les vers de l'Iliade et de l'Odyssée, qui offrent des descriptions circonstanciées de la manière dont les protagonistes de l'épopée honoraient les dieux par la mise à mort rituelle d'un animal domestique ou de plusieurs animaux domestiques. Donc, que ce soit dans la représentation des dieux ou dans l'acte sacrificiel, pour nous, modernes, qui appréhendons cette culture, c'est comme si ces éléments étaient sortis, tel Athéna tout armée de la tête de Zeus. Ils nous apparaissent d'emblée dans la documentation qui nous est donnée, en l'occurrence, le texte de l'épopée. Mais de telles descriptions de rituels sacrificiels sont au total assez rares dans les textes de la tradition textuelle grecque tels qu'ils nous ont été transmis. On a par exemple, outre quelques descriptions dans l'Iliade et l'Odyssée, on trouve chez Aristophane, dans La Paix, la comédie La Paix, qui a donc été jouée à la fin des années 20 du 5e siècle sur le théâtre de Dionysos à Athènes, on trouve un sacrifice, la mise en scène d'un sacrifice de mouton à la déesse Paix, la paix, Eirene, qui est divinisée pour l'occasion. Et à la fin du siècle suivant, donc fin du IVe siècle, Ménandre, autre auteur comique de la comédie nouvelle cette fois, dans le Discolos, va aussi construire un processus sacrificiel au cœur de son intrigue. Mais c'est à peu près tout. Si j'accepte quelques allusions à des sacrifices que l'on trouve disséminés dans les tragédies du Ve siècle. Mais à quel sacrifice? Alors, quel sacrifice au singulier, au pluriel? Ces textes font-ils référence? Alors, plusieurs hypothèses peuvent être formulées pour répondre, pour affronter cette question. Trois hypothèses peuvent être formulées. La première fait des descriptions de sacrifices, notamment dans l'épopée, une sorte de miroir à peine déformé de la réalité des sacrifices, une sorte de photographie, si vous voulez. Deuxième hypothèse déconstruit cette illusion référentielle, considérant donc que la référence directe est une illusion, pour n'y voir que des constructions imaginaires qui nous informent avant tout sur l'intrigue dans laquelle ces constructions prennent place. La troisième hypothèse, et vous aurez vite l'occasion de vous rendre compte que c'est celle à laquelle je souscris, se place à l'articulation des deux premières. Comme souvent, je ne veux pas dire que la vérité est au milieu, mais il y a quand même une bonne probabilité que ce soit le cas. La troisième hypothèse donc se place à l'articulation des deux premières et considère que le contrôle de l'auditoire de ces différents morceaux épiques ou comiques donne une raison d'espérer saisir quelque chose de ce que les auditeurs connaissaient des rituels en question. C'est un argument auxquels je tiens beaucoup. Quand on parle de textes dits littéraires, ce sont toujours, il ne faut pas l'oublier, des performances qui impliquent un auditoire. Or, cet auditoire, vous ne pouvez pas lui raconter n'importe quoi. Il y a un jeu d'interaction avec cet auditoire, c'est ce que j'appelle le contrôle, je ne suis pas la seule à l'appeler ainsi, le contrôle de l'auditoire sur le matériau qui lui est donné à voir. Et donc, il peut y avoir évidemment des variations, des improvisations, une plasticité dans la manière dont tout cela est construit, mais on ne peut pas sortir totalement du cadre. Et c'est ce qui me donne l'espoir de trouver quelque chose d'intéressant sans tomber dans une illusion référentielle intégrale. Quand on compare les sacrifices homériques et le sacrifice mis en scène par Aristophane ou par Ménandre, les points de comparaison sont trop nombreux, à 3 ou 4 siècles de distance et dans des genres différents, pour ne pas y voir l'effet de ce que j'appellerais une trame sacrificielle. C'est l'argument majeur que je peux vous soumettre. Nous avons affaire à des descriptions de rituels, à des mises en scène qui se ressemblent trop à 4 siècles de distance, et dans, d'une part, un genre spécifique qu'est l'épopée, d'autre part, un autre genre qu'est la comédie, il y a trop d'intersections entre les deux pour que cela soit fortuit. Et donc, j'y vois ce que j'appelle une trame sacrificielle. Et par trame sacrificielle, j'entends la structure minimale associée au mot de sacrifice à une oreille grecque, et en grec, précisément, c'est ce qu'ils appellent la thusia. Quelque chose qui est de l'ordre du général d'un point de vue rituel, dès lors, comme le nom de Zeus renvoie à une généralité de Zeus, au-delà de ses manifestations singulières, c'est ce dont j'espère vous avoir convaincu la semaine dernière. Et donc, c'est le même type de balancement entre le général et le particulier que je voudrais opérer aujourd'hui pour le sacrifice. Avant de vous emmener dans la diversité des pratiques sacrificielles singulières, je voudrais éprouver encore l'hypothèse que je viens de vous soumettre en repartant d'un texte qui est généralement très peu exploité dans ce contexte. Et pour que vous ne soyez pas dépaysés, je vous le donne en mille, il s'agit d'un texte d'Hérodote. Hérodote dont je ne lâche pas encore le fil rouge qu'il nous offre bien aimablement depuis maintenant quelques semaines. Vous avez vu que je vous ai parlé d'épopée, de la comédie, et là, j'introduis un troisième genre, à savoir l'enquête d'Hérodote. Nous avons en fait déjà vu ce texte, assez rapidement, puisqu'il s'agit de la description du sacrifice perse, dont je vous ai dit qu'il était une sorte de description du sacrifice grec en creux, ou plutôt en négatif. Nous sommes au livre 1, chapitre 132. Quant au sacrifice en usage chez les Perses pour les dieux que je viens de citer, voici ce qu'il est, et vous avez ici, en ionien, thusiae, qui équivaut à la thusia que j'évoquais il y a un instant. Ils ne dressent pas d'autel, ils n'allument pas de feu quand ils doivent offrir un sacrifice, ils n'usent ni de libation, ni de flûte, ni de bandelette, ni d'orge sacrée. Un Perse veut-il sacrifier à l'un ou l'autre des dieux ? Il conduit la bête dans un lieu pur et il invoque le dieu, portant sur sa tiare une couronne de myrte de préférence. Il n'est pas permis à celui qui offre un sacrifice de se souhaiter du bien à lui seul en particulier. Il prie pour la prospérité de tous les Perses et du roi, lui-même étant compris dans l'ensemble des Perses. L'animal sacrificiel, une fois découpé en menus morceaux et les chairs cuites, il fait une litière d'herbes fraîches, de trèfles de préférence, et pose dessus tous les morceaux de viande. Lorsqu'il les a déposés, un mage, qui est là présent, psalmodie une théogonie, telle est d'après ce qu'ils disent la nature de ce chant. Car la règle est chez eux de ne pas offrir de sacrifice sans un mage. Et vous voyez ici le terme que j'ai traduit par, ou que le grand plutôt a traduit par règle, c'est nomos. Après quelques instants d'attente, celui qui a sacrifié emporte chez lui les viandes et en use selon sa volonté. Donc voilà le texte d'Hérodote qu'il est intéressant à mon sens de produire quand on travaille sur, sur le sacrifice et surtout quand on pose la question que je vous ai soumise il y a un instant. Ce sont évidemment les propositions négatives qui nous offrent l'indice le plus sûr d'une comparaison différentielle avec les rituels grecs. Je reprends ces éléments en les retournant en une formulation positive. Présence d'autel, allumage d'un feu. Je fais une petite parenthèse ici à propos de cette référence à l'autel et à l'allumage d'un feu. Le texte, vous l'avez vu, dit que les viandes sont cuites après la découpe en morceaux, ce qui implique une source de chaleur. Mais ce qui est important ici, je pense, c'est le lien qu'Hérodote opère entre l'autel et le feu. On peut donc en déduire que l'autel enflammé est un marqueur de sacrifice pour les Grecs. Je referme la parenthèse. On a ensuite l'accomplissement de libations, l'usage de bandelettes, la performance musicale de l'holos, c'est-à-dire ce qu'on appelle une double flûte, même si c'est un instrument à hanches, et que la flûte n'a pas d'hanches. Mais la double clarinette, ça ferait un peu bizarre, et puis c'est pas tout à fait ça. J'ajoute donc encore dans ma description l'usage de grains d'orge rituels, la possibilité d'adresser une prière pour un bénéfice personnel, si je retourne la proposition qu'Hérodote nous fait en comparaison avec le sacrifice perse, le caractère facultatif du prêtre dans certains sacrifices. Et donc voilà ce qui est posé en négatif par Hérodote et que j'ai retourné en positif pour pointer vers quelque chose qui est de l'ordre du sacrifice grec. Les autres éléments de la description présentés sur le mode de l'affirmation cette fois concernent la manipulation de l'animal et ce qui l'entoure. On a donc la conduite de la bête dans un lieu pur, l'invocation du dieu, le port de couronne, prière pour la communauté, découpe de l'animal en morceaux, cuisson des morceaux, déposition des morceaux sur un lit végétal et l'enlèvement des morceaux que le sacrifiant emporte et dont il fait ce qu'il veut. Donc voilà la substantifique moelle, si je peux rester dans la métaphore alimentaire, de cette description qu'Hérodote nous donne en négatif du sacrifice grec. Comme Hérodote ne procède pas à des contrastes, je fais l'hypothèse que les pratiques en question entrent davantage dans le cadre de référence qui est le sien. On voit se dessiner une trame sacrificielle qui répond à quelque chose qui est de l'ordre de ce qui est grec en cette matière. Le degré de généralité qu'atteint Hérodote dans son évocation qui est partiellement contrastive me semble autoriser une telle affirmation. Nous sommes ici, si vous voulez, dans un registre extrêmement général, puisque la comparaison s'effectue à l'échelle de la Perse, à l'échelle de la Grèce. Je poursuis donc ma quête d'une trame, ce qui nous donne de manière synthétique les éléments suivants que je retire donc de ce qu'on vient de discerner dans ce texte. On a donc du feu à l'autel, une couronne portée par le sacrifiant, la conduite de l'animal dans un lieu spécifiquement pur, ce qui en grec évidemment est un sanctuaire, musique d'holos, libation, usage de bandelettes et d'orge rituels, invocation et prière qui peuvent concerner, et une prière qui peut concerner tant l'individu que la communauté, le caractère facultatif de l'agent cultuel, découpe de l'animal. Donc ça veut dire que la mise à mort de l'animal, même si elle n'est pas évoquée, elle est implicite. Découpe de l'animal donc en parts qui sont cuites, déposition des parts, enlèvement des parts et libre disposition de la viande. Voilà une sorte de trame que je peux déduire. Le caractère indirect, en creux du regard qu'Hérodote porte sur le processus sacrificiel grec, confère à son témoignage un intéressant degré de fiabilité. Parce que contrairement à ce que l'on trouve dans l'épopée ou dans la comédie, on n'a pas affaire ici à la reconstitution d'un rituel en vue de son inscription dans une intrigue. Ici, nous sommes dans un autre registre qui donne à ces éléments, à mon sens, un plus grand degré encore de fiabilité. Et cette présentation me permet ensuite de retourner vers ces textes que j'ai cités tout à l'heure, l'épopée homérique, la comédie ancienne et nouvelle, pour compléter la trame que nous venons de dessiner. Alors, ces textes sont très connus. ont déjà été abondamment commentés, et donc je vous demanderai de me faire crédit de leur analyse de détail pour en arriver à l'essentiel de ce qu'ils nous apprennent. Ce qui nous donne, comme vous le voyez, donc le feu à l'autel. Alors, le fait que les participants soient couronnés apparaît chez Hérodote, n'apparaît pas dans l'épopée, mais je pense que c'est totalement incident. Conduit de l'animal à l'autel, musique d'holos, caractère facultatif de l'agent cultuel. Alors, chez Hérodote, on parle des bandelettes. Dans l'épopée, on parle des rites préliminaires, dont la purification des mains. Bon. Les orges rituelles sont de part et d'autre, les libations, l'invocation et la prière, la mise à mort de l'animal, elle est implicite. Alors, ce qu'on a dans l'épopée et qu'on n'a pas chez Hérodote, c'est l'écorchement de la bête et le prélèvement de la peau. Ce qu'on a de part et d'autre, c'est la découpe de l'animal en parts, mais évidemment, Hérodote n'entre pas dans ce dernier degré de détail, puisque ce qu'il décrit, c'est quand même le sacrifice perse. Donc il ne distingue pas des parts dans la découpe, des parts spécifiques, tandis que dans l'épopée, vous avez la mise en évidence des cuisses de l'animal, en tout cas des os des cuisses, de la graisse et des viscères. Quand il s'agit de cuire les parts, c'est générique chez Hérodote, tandis que dans l'épopée, on a la combustion sur l'autel des cuisses, de la graisse et des petits morceaux de l'animal qui sont prélevés sur l'ensemble de sa carcasse. Vous avez les viscères embrochés et grillés et consommés à l'autel. Donc ça, ce sont des spécificités grecques qui apparaissent dans l'épopée et dont Hérodote ne fait pas état, puisqu'évidemment, il parle d'un autre sacrifice, celui des Perses. Enfin, vous avez chez Hérodote la déposition des parts et la libre disposition des parts. Dans l'épopée, vous avez la consommation des parts sous la forme d'un banquet, en l'occurrence dans l'Iliade par les soldats, et dans l'Odyssée, c'est plus varié. Voilà pour ce qui est de l'épopée. Je fais le même exercice avec la comédie. Et donc mon analyse ici de la comédie se fonde essentiellement sur le passage de la paix d'Aristophane qui est particulièrement explicite. Donc on retrouve toute une série de choses que nous avons vues par ailleurs, avec les bandelettes qui, cette fois, sont mentionnées dans la paix d'Aristophane, en tout cas la bandelette. Donc feu à l'autel, conduit de l'animal à l'autel, musique d'holos, agent cultuel, bandelette, orge rituelle, libation, invocation et prière, mise à mort. Bon, elle est dans la coulisse, hein, dans la paix d'Aristophane, l'animal évidemment est prétendument mis à mort dans la coulisse. On a une découpe de l'animal en parts, toujours sans distinction chez Hérodote, ça n'a évidemment pas changé depuis tout à l'heure. On retrouve les cuisses, les viscères et la queue, qu'on ne voyait pas apparaître dans l'épopée. Et pour la cuisson des parts, vous avez à nouveau, comme dans l'épopée, la combustion à l'autel des cuisses de l'animal et de la queue, cette fois, les viscères embrochés, grillés et consommés à l'autel. La déposition, qui n'apparaissait pas dans l'épopée, apparaît dans la paix, puisqu'on a la mention d'une table, une table à côté de l'autel sur laquelle sont censés être déposés des parts, qui ne sont pas spécifiées, mais ce qui m'intéresse ici, c'est la déposition. Et puis, ensuite, libre disposition des parts en question. Donc une trame s'esquisse, me semble-t-il, à travers ces différents textes mis en regard les uns des autres. Et je reprends ma synthèse, donc le feu à l'autel en vue d'une combustion. Et ça, vous avez remarqué que ça apparaît en premier lieu dans la description en négatif d'Hérodote. Caractère facultatif de l'agent cultuel, alors dans l'épopée, le prêtre est là, mais pas toujours. Il peut être là, mais n'est pas forcément nécessaire. Et dans la paix d'Aristophane, c'est un sacrifice de particulier, c'est évidemment le responsable du sacrifice, le sacrifiant, qui est l'agent principal. Les sacrifiants sont couronnés, on conduit l'animal à l'autel avec une bandelette. C'est une sorte de sacralisation de l'animal, le fait qu'il soit en quelque sorte décoré. Musique d'holos, libation, jet d'orge rituel, invocation et prière, tant pour l'individu que la communauté, puisque la phrase d'Hérodote nous laisse entendre que les deux options sont possibles. Mise à mort, découpe en parts, déposition de parts à l'autel. Il y a une partie de l'animal qui est entièrement consumé à l'autel, et puis d'autres parts qui sont éventuellement déposées sur une table, puis l'enlèvement des parts restantes et libre disposition de la viande à cuire sur place ou à emporter. Vous comprendrez évidemment au terme de ce bref parcours pourquoi on parle de la cuisine du sacrifice ou de la boucherie sacrificielle. Le sacrifice grec, ce n'est pas une abstraction, c'est extrêmement concret. Je disais souvent à mes étudiants à l'université que pour bien leur faire comprendre ce qu'était le sacrifice grec, l'idéal serait que je fasse mon cours dans un abattoir. Vous riez, mais je vous assure que c'est extrêmement difficile pour nous, modernes, qui avons une relation extrêmement aseptisée à la viande, de se représenter ce que c'était. Bon. Donc voilà ce que je pourrais qualifier d'ambiance du sacrifice grec par l'accumulation de ces usages coutumiers des Grecs en matière de sacrifice, des nomoi assurément, tous ces éléments rentrent dans la catégorie des nomoi, que Hérodote dessine en surimpression ou en sous-impression de son discours sur les Perses et qui me semble confirmé par la comparaison rapide que je viens d'effectuer avec l'épopée et la comédie. Mais si nous tentons de déterminer le cœur de cette pratique et d'identifier une manière grecque de sacrifier, au-delà d'une accumulation de traits d'ambiance et d'actes posés, comme je viens de le faire, que trouvons-nous? Si j'essaye de vraiment d'aller chercher le noyau, le cœur de cette démarche, comment dois-je faire? Pour répondre à ces questions, il faut quitter les textes dits littéraires pour se plonger dans une documentation très différente. Alors, ce n'est pas les abattoirs, évidemment. Ce n'est pas l'abattage auquel on pourrait assister comme un anthropologue de terrain observant ce qui se passe. On est évidemment, en tant qu'helléniste, toujours obligé d'avoir la médiation de textes. Mais je quitte les textes dits littéraires pour me plonger dans une documentation différente, à savoir les centaines de prescriptions gravées sur pierre ou sur métal par divers groupes, depuis les cités elles-mêmes jusqu'aux familles. Parfois, des familles s'instaurent en groupes sacrifiants et produisent des inscriptions pour expliquer ce qu'ils entendent faire dans la longue durée du temps, ou diverses associations, des groupes de sociabilité. Collège de France et France Culture vous présente Vinciane Pirène-Delforge, Polythéisme grec, mode d'emploi, aujourd'hui les normes sacrificielles, partie 1. Nous aurons l'occasion la semaine prochaine d'évoquer divers types d'inscriptions prescriptives, à savoir ce que j'ai appelé dans le titre de ces deux leçons les normes sacrificielles. Mais dans le temps qui me reste cette semaine, je pose une question précise. Si les textes dits littéraires nous permettent d'atteindre un certain degré de généralité dans la structure du sacrifice sanglant, ce qu'on vient de voir ici, peut-on déceler un tel arrière-plan dans la documentation épigraphique elle-même, ou bien cette documentation épigraphique ne nous livre-t-elle que les variations sur la trame, les motifs dessinés sur la trame? Donc j'aimerais donc essayer d'affronter cette question. Les textes dits littéraires nous donne la possibilité de discerner quelque chose qui est de l'ordre de la trame. Je vous dis que les centaines de prescriptions épigraphiques nous livrent une foule d'informations ponctuelles, de variations et de spécificités. Néanmoins, pour valider mon hypothèse qu'il y a bien une trame, il faut que je m'interroge sur la présence ou non de cette trame dans la documentation épigraphique elle-même. Et pour répondre à cette question, je partirai d'un texte absolument remarquable qui a été mis au jour en 2002. À l'échelle de l'étude de l'Antiquité, c'est très récent. En 2002, donc, dans une décharge de Gravillon, dans un remblai, en fait, près de Larissa en Thessalie, donc nous sommes en Grèce centrale, et la découverte dans une décharge vous indique déjà que ce texte n'était pas en place, il n'était pas in situ, comme on dit, et que le contexte matériel de son érection est irrémédiablement perdu, ce qui est toujours évidemment extrêmement dommageable. C'est quand vous avez ce type de stèle absolument remarquable qui est trouvé hors contexte, vous perdez automatiquement une foule d'informations qui permettraient d'éclairer son contenu et son usage. Le texte est daté des 3e, 2e siècles avant notre ère, donc nous sommes globalement au milieu de la période hellénistique, et couvre donc les deux côtés de cette stèle, et la face la mieux conservée compte 82 lignes. La face ici moins bien conservée en compte moins, mais cette face-ci est absolument remarquable. C'est donc une inscription qui évoque un sanctuaire, et la stèle provient, selon toute vraisemblance, du sanctuaire en question. Et ce sanctuaire était consacré à une déesse qui reste anonyme dans l'inscription. Mais cette déesse anonyme est entourée de toute une série d'autres divinités. Alors on trouve une Artémis qui porte l'épiclèse de Fulaké, une Artémis gardienne donc. On trouve aussi le dieu Mène qui est un dieu lunaire bien attesté en Asie mineure. On trouve d'autres dieux encore, un Apollon des portes qui semble avoir un pédigré grec, mais c'est extrêmement difficile d'en être assuré. Tandis que d'autres dieux qui portent des noms grecs comme Pan, Hélios ou Lamoire. Donc Pan, Hélios ou Lamoire, ce sont probablement les traductions grecques de dieux non grecs, dans la mesure où dans l'inscription, vous avez la mention de Pan, celui que les Syriens appellent, et puis on a Neiriples qui ne nous dit absolument rien, pour le moment en tout cas, parce que l'analyse de cette inscription vient seulement de commencer. Mais en tout cas, le fait que le nom de Pan soit traduit dans l'inscription atteste que c'est une interprétatio du dieu. Et pour Hélios ou Lamoire, on soupçonne le même genre de processus. D'autres dieux qui apparaissent, et notamment des déesses, ont été conservés dans leur langue originelle, et vous avez des noms très étranges pour nous, comme Mogga, Alaya, Lilaya, Adara, Lilla, qui ne nous disent absolument rien. Cette inscription a été publiée en 2015, donc elle a été trouvée en 2002, mais il faut toujours beaucoup de temps pour ce genre de mise à disposition d'un document à la communauté scientifique, et donc l'inscription a déjà donné lieu à quelques articles importants. Et donc, vous voyez ici, vous avez ce qu'on appelle l'Editio Princeps, hein, donc un règlement religieux de la région de Larissa, culte grec et orientaux, par Jean-Claude Decour et un collègue grec à Tsiafalias. Alors, je n'ai pas le temps d'entrer, évidemment, dans le détail de ce document remarquable, qui nous informe, même de façon allusive, de la coexistence de groupes grecs et non grecs dans la Grèce hellénistique. On voit ici une convergence d'éléments qui mêlent ce qui relève de ce que l'on connaît des pratiques grecques et d'autres choses qui sont extrêmement exotiques. Donc on a probablement derrière ce sanctuaire et derrière donc cette inscription une association mixte dont le document en question organise les pratiques sacrificielles et purificatoires. Alors le passage que je souhaite vous soumettre se trouve sur la face la mieux conservée, la face B. On y trouve une série de prescriptions que je vais vous présenter sous la forme d'une liste synthétique pour que vous saisissiez le contexte dans lequel s'inscrit le passage sur lequel je vais m'arrêter plus précisément. Donc ici, vous avez en quelque sorte la table des matières de la face B. Donc, vous avez une interdiction non-initiée d'entrer dans le temple de la déesse sous peine d'accomplir des purifications, une interdiction non-initiée d'entrer dans le vestibule, sauf pour y prier, faut faire des vœux. Puis il y a des règles de pureté qui sont énoncées. À nouveau, des purifications si on ne respecte pas les règles. Vous avez la mention d'une organisation de quête. La mention très curieuse, on n'a pas encore totalement compris, d'une inscription pour le vestibule qui parle d'offrandes préliminaires à Fulaké et Amen. Vous avez ensuite des prescriptions pour un sacrifice de volaille blanche à ces deux divinités ou d'agneaux. Des règles de pureté pour entrer dans le sanctuaire, des prescriptions pour le sacrifice à la déesse selon la norme grecque, vous aurez tout de suite compris que c'est évidemment ça qui m'intéresse, prescriptions pour le rituel de la table pleine pour la déesse, autre rituel, prescriptions pour la consécration d'une journée à la déesse, donc vous voyez cette déesse donc anonyme, fumigation autour de la statue, prescriptions pour le sacrifice d'une volaille ou d'une oie, prescription pour le sacrifice d'un bovin, là aussi je vais y revenir. Procession et purification lors des fêtes Nisanaya et Aloulaya, donc des choses assez inconnues en grec. Prescription pour l'holocauste d'un bélier adulte ou à défaut d'un agneau mâle. Prescription pour l'holocauste d'une oie, d'un oiseau triba, on ne sait pas ce que c'est. Holocauste d'une caille. Donc vous voyez, on est dans des registres absolument exotiques pour quiconque a un tout petit peu l'habitude des inscriptions prescriptives sacrificielles. Et enfin, purification des autels qui auraient été indûment approchés et en cas de miction ou de saignement dans le péristyle. Donc, vous voyez qu'on a quitté la littérature. Nous sommes vraiment dans le registre des inscriptions prescriptives qui sont fondamentales pour comprendre le sacrifice grec, et non grec en l'occurrence. Donc, il s'agit d'une succession de clauses dont l'ordonnancement logique, s'il en est un, échappe quelque peu. Il n'y a pas véritablement de ligne conductrice claire. Le lecteur est confronté à une accumulation d'informations sur des purifications et des sacrifices sans qu'une structure claire n'apparaisse de façon évidente. Alors, c'est de sacrifices que je veux évidemment vous parler. Et donc, je vais isoler de cette liste ce qui concerne le sacrifice, ce qui nous donne cette fameuse inscription pour le péristyle, donc des fumigations préliminaires à Fulaké et Mène, prescription donc pour le sacrifice de volaille blanche d'agneau, la norme grecque, la table pleine, le sacrifice d'une volaille, le sacrifice d'une oie, d'un bovin, un holocauste, un bélier, l'holocauste de tous ces différents volatiles. Dans cet ensemble, je vais évidemment m'apesantir quelque peu sur ce qui relève de la norme grecque, puisque vous avez là une indication exceptionnelle, exceptionnelle, dans toute la documentation épigraphique. C'est la première fois qu'on trouve cela dans cette remarquable inscription. Et vous comprenez évidemment que c'est l'analyse de cette prescription qui va me permettre d'affronter la question que j'ai posée d'emblée. Alors, voici le texte qui court donc sur la face B de la ligne 34 à la ligne 42, avec l'expression ici, te theo helleniko nomo. Donc, tuain, te theo helleniko nomo. Si quelqu'un souhaite sacrifier à la déesse selon la norme grecque. Je lis la traduction avec vous. C'est possible avec ce que l'on veut, sauf du porc. Pour ce sacrifice, il faut apporter sur la table comme déposition un chénisse de lacana. J'ai simplement translittéré le grec parce qu'on discute beaucoup sur le sens de ce terme. Un chénisse de lacana, un chénisse d'omora. Donc ce sont des quantités en fait. Chénisse, ce sont des quantités de probablement de farine ou de quelque chose qui sert à fabriquer des gâteaux. Mais on ignore un petit peu, enfin c'est assez difficile d'être plus précis, mais c'est assez accessoire pour mon propos d'aujourd'hui. Donc un chénisse de lacana, un chénisse de mora, trois oboles pour le tronc à offrande, un cotil d'huile pour lampe et pour le cratère, un conge de vin. De l'animal sacrificiel, alors il faut sous-entendre, on dépose sur la table la poitrine cuite et la pâte crue. Pour la prêtresse, faire cuire les viscères, à savoir le foie, le poumon, le diaphragme, le rein gauche et la langue. Rupture dans le dans le sens. Le rein droit, les extrémités droites, le cœur, l'omentum, la patte détachée de la poitrine et de la queue, ce qui est d'usage, comme offrande sacrée sur le feu. Donc, c'est-à-dire déposée comme offrande sacrée sur le feu. Vous voyez que c'est un genre littéraire un peu différent de ce que nous avons vu jusqu'à présent. Si l'on se trouvait en contexte romain, ce qui n'est évidemment pas le cas, mais si on se trouvait en contexte romain, l'expression « tuen hellenico nomo » pourrait équivaloir à l'expression latine, que vous connaissez peut-être, « graeco ritu », selon le rite grec. Les Romains avaient un type de sacrifice qu'ils accomplissaient, de leur point de vue, selon le rite grec. Et quand on traduit en grec cette expression latine, c'est évidemment ceci qui sort. Mais le contraste opéré ici n'est pas romain, donc ça ne marche pas. Il s'agit d'une modalité sacrificielle qui est considérée comme grecque, par contraste avec un autre nomos, qui relève manifestement de procédures tout aussi exotiques que les déesses dont j'ai énuméré le nom tout à l'heure. Mais ce nomos autre n'est pas explicité dans le document. C'est-à-dire, vous n'avez pas, vous avez remarqué dans la liste que je vous ai donnée, la table des matières, vous n'avez pas selon le nomos, pas syrien ou autre. Donc ce n'est pas précisé. Seul le mode grec est précisé. Et donc, si je reprends un schéma pour clarifier les données que nous venons d'explorer, on voit que ressort de ce passage l'interdit du port, qui est sans doute en liaison avec le fait que l'arrière-plan reste proche-oriental, et donc que même dans le contexte d'une norme grecque, le port n'est pas permis, donc interdit du port. On a donc une fourniture d'aliments, hein, le chénis, la canna, l'omora, aliments et autres fournitures, déposition de part sur la table, vous avez la cuisson de viscères en lien avec la prêtresse, et des parts à faire brûler à la flamme, en l'occurrence la flamme de l'autel. Nous ne sommes évidemment pas dans une description d'Hérodote, mais bien dans un document prescriptif dont les objectifs ne sont malheureusement pas de nous renseigner en détail sur les procédures sacrificielles. Le but de ce document, c'est d'orienter les sacrifiants dans leur pratique pour qu'ils sachent comment procéder dans l'accomplissement d'un rituel, surtout si l'on a affaire à une communauté mixte qui ne connaît pas nécessairement les procédures de l'autre composante de la communauté. Or, si je reprends la liste des sacrifices évoquée par l'inscription, on constate que des contrastes importants se font jour et me permettent de préciser davantage encore ce qui relève de la norme grecque. Donc vous avez ici, dans le cas des offrandes préliminaires à Fulaké et Amen, des fumigations et une libation, c'est relativement banal, en contexte grec aussi. En revanche, ici, pour le sacrifice de volaille blanche et d'agneau, vous avez un tuein générique, donc le mot grec qui signifie sacrifier, sans aucune explicitation. Donc manifestement, ça relevait de l'autre nomos qui n'est pas explicité. On spécifie juste que des femelles doivent être offertes à Artémis et des mâles à Mène. Vous avez ensuite donc la fameuse norme grecque, sur laquelle je vais revenir. Les prescriptions pour la table pleine, c'est quelque chose qui est absolument exotique pour tous ceux qui travaillent sur le sacrifice grec, puisque les ovins mâles ou femelles doivent être cuits en entier. Donc il y a peut-être un découpage pour les cuire, mais il n'y a pas de répartition, il n'y a pas de déposition. Vous avez ensuite le sacrifice d'une volaille ou d'une oie avec une patte qui est déposée et les organes internes sur la table et on emporte le reste. Donc il n'y a pas de combustion, d'aucune sorte. Donc là encore, on sort manifestement du cadre grec. Ensuite, on a des prescriptions pour le sacrifice d'un bovin où il nous est dit que le même processus est suivi que pour les probata, c'est-à-dire ce qui renvoie à la norme grecque. Donc je vais revenir au bovin dans un moment. Enfin, les holocaustes ici, donc holocauste, ça signifie bien ce que vous pensez, donc c'est la combustion intégrale. On a des cas d'holocauste en contexte grec, mais ils sont extrêmement rares. Vous imaginez la déperdition alimentaire que cela implique. Il faut aussi avoir ça en tête. Alors évidemment, ici vous avez donc holocauste d'un bélier adulte, ou à défaut d'un agneau mâle, mais holocauste, ça veut dire qu'on ne mange rien. et puis l'oiseau triba et la caille, c'est-à-dire des plus petits animaux. Ces holocaustes qui ont l'air d'être extrêmement communs dans le cadre de cette prescription, de ces prescriptions, relèvent là aussi, et les commentateurs ont bien montré que ça renvoie à une pratique proche-orientale. Je vous disais qu'on allait revenir au bovin, voilà la partie du texte qui concerne le bovin. Je lis la traduction avec vous. Si quelqu'un souhaite sacrifier un bovin, apportez sur la table, et on va retrouver ce que nous avons déjà vu, 3 chénisses de lacana, 1 chénisse d'omora, 2 conches de vin, 2 cotilles d'huile, du bois en suffisance, 1 pièce d'or pour le tronc à offrande, et prélevez les parts sacrées comme pour le petit bétail. Alors, pour que ça soit clair immédiatement, je vous mets sous les yeux la comparaison des deux passages, c'est-à-dire le passage sur la norme grecque, tel que nous l'avons vu il y a un instant, et le passage sur le sacrifice de bovin. Comme vous le montre donc cette comparaison, des précisions ne sont apportées dans le second cas que dans la mesure où il convient d'augmenter certaines des fournitures annexes. L'animal étant plus imposant, hein, un bovin c'est plus imposant que du petit bétail, les probata étant probablement des ovins, des moutons. Des précisions donc ne sont apportées dans le second cas donc que dans la mesure où il faut fournir plus pour accompagner cet animal plus imposant. Cette préoccupation, qui est donc strictement quantitative, à un chénisse de lacana correspond 3 chénisses quand il s'agit d'un bovin. L'omora, c'est la même chose, mais à 3 oboles pour le tronc offrant, ce qui est relativement modeste, vous avez 1 pièce d'or dans le cas d'un bovin, donc on voit bien qu'on a changé d'échelle. 1 cotil d'huile pour lampe, vous en avez 2. 1 conche de vin, vous en avez 2. Puis du bois en suffisance. Donc c'est ça qui est précisé dans le cas du sacrifice pour le bovin. Donc cette préoccupation quantitative, disais-je, nous donne une précieuse indication par ailleurs, car pour la manipulation de la carcasse animale, le processus reste identique et se voit synthétisé par l'expression « prélever les hieras », donc les parts sacrées, comme pour les probata, c'est-à-dire le petit bétail. Ce qui est encore plus essentiel par rapport à cette mise en regard de l'échelle qui a changé, c'est l'utilisation du générique hiera pour désigner tout ceci. Puisque je pars du principe que quand il n'y a pas de distinction fondamentale d'échelle, on fait la même chose dans le cas des deux sacrifices. Et le terme hiera, part sacrée, désigne l'ensemble des morceaux de l'animal. Ces parts sacrées reçoivent donc des traitements différents. Vous avez une déposition sur la table, vous avez une cuisson alors associée à la prêtresse. Alors cette cuisson, est-ce que c'est le fait de faire bouillir les éléments ou le fait de les faire griller? Parce que dans le sacrifice grec, les viscères sont grillés à la flamme de l'autel. Et donc, c'est probablement quelque chose qu'il va encore falloir élaborer dans la réflexion sur cette inscription. Je serai pour ma part assez encline à penser que nous avons affaire ici à la partie du sacrifice grec qui consiste à manger les viscères autour de l'autel. Et donc, la prêtresse est en fait en charge de l'opération. Et puis, vous avez, à la flamme comme hiera, le rein droit, les extrémités droites de la carcasse, le cœur, l'omentum, alors l'omentum c'est donc la graisse abdominale, ou une partie en tout cas de la graisse abdominale, la patte avant et une partie de la queue. Donc vous voyez, si vous vous rappelez ce que nous avons vu à propos de l'épopée et d'Aristophane, nous avons évidemment ici comme hiera entièrement brûlée sur l'autel, une quantité de viande plus importante que ce qu'on voit dans ce texte, dans l'épopée et dans la comédie, puisque dans l'épopée et dans la comédie, vous avez les cuisses de l'animal, donc les fémurs en fait, charnues ou décharnées, c'est difficile à dire, un peu de graisse, donc ça pourrait correspondre à l'omentum, donc patte avant, on n'a donc pas les fémurs, mais la patte avant, l'omentum, la graisse, une partie de la queue, ça correspond à ce qu'on a trouvé chez Aristophane, mais vous avez ensuite donc un rein droit, les extrémités droites et le cœur. Éléments qui apparaissent relativement rarement dans notre documentation. Donc voilà la manière dont on peut, me semble-t-il, analyser les données que cette remarquable inscription nous livre dans la définition de ce qu'est le nomos grec en matière de sacrifice. Mais avant de poser, au vu de tous ces éléments, donc la question de savoir ce que ce texte, ce qu'on peut vraiment tirer au-delà de l'analyse que je viens de vous soumettre, je voudrais vous présenter un des rares passages parallèles de l'expression « hellénikos nomos » pour désigner le sacrifice. Dans l'épigraphie, dans les inscriptions, on n'a pas de parallèle. On en a un dans les textes dits littéraires, et c'est notre ami Pausanias que nous pouvons convoquer sur ce point. Je vous donne le contexte. Vous allez voir, ça va nous aider à réfléchir et à penser encore plus profondément l'apport de cette inscription. Vous remarquez, nous sommes au livre 1, chapitre 24, paragraphe 2. Pausanias est sur l'Acropole et il décrit des statues, des groupes statuaires qui se trouvent dans cet espace. Il le décrit dans le texte que je vous mets sous les yeux. Il se trouve aussi Phrixos, fils d'Atamas, amené en Colchide par le bélier. Alors le bélier, c'est le fameux bélier à la toison d'or, dont vous avez sûrement déjà entendu parler. L'ayant sacrifié à un dieu quelconque, nous dit Pausanias qui décrit soit un relief, soit un groupe statuaire, l'ayant sacrifié à un dieu quelconque, à ce qu'il semble au Laphystios, ainsi qu'on l'appelle chez les Orchoméniens, c'est assez accessoire pour mon propos, ayant découpé les cuisses selon la norme des Grecs, c'est-à-dire kata nomon ton ellenoun, donc, ayant découpé les cuisses selon la norme des Grecs, il les regarde brûler. Comme dans l'inscription de Marmarini, la perspective est celle d'un contraste, puisque Phrixos accomplit en Colchide, c'est-à-dire dans un territoire non grec, le sacrifice du bélier. Et ce que le texte de Pausanias met en évidence derrière cette référence à un nomos des Grecs, c'est le prélèvement d'une part de l'animal, en l'occurrence ici ce sont les cuisses, donc selon la lignée de l'épopée et de la comédie. La formulation du passage ne permet pas d'assurer que la combustion du prélèvement en question fait partie de ce que Pausanias inclut dans la norme grecque, mais je pense que c'est assez probable. Alors, si je suis Scott Scullion et Robert Parker qui ont livré un important commentaire de l'inscription, donc ces deux auteurs font l'hypothèse que le nomos grec renvoie, dans l'inscription de Marmarini, à l'usage de sacrifier du bétail comme des ovins ou des bovins, c'est-à-dire des grosses pièces. Enfin, des grosses pièces. Oui, un mouton par rapport à une caille ou à une poule, évidemment, c'est plus imposant. Donc ce sont le bous et les probata. Et il est clair, ils l'ont bien montré, que la variété des volatiles et l'interdit du porc renvoient davantage à des pratiques attestées au Proche-Orient. Et ils font également l'hypothèse pour les agneaux. On a la volaille, on a une oie. Ici, vous avez donc l'oie, l'oiseau tribal, la caille. Donc, on voit bien qu'il y a un bestiaire de volatiles qui est tout à fait inusité du côté grec. Mais bon, ils font l'hypothèse que les agneaux aussi renverraient à une pratique proche-orientale. Et donc, pour eux, le nomos hellénikos de l'inscription, ce serait uniquement la manipulation qu'il faut appliquer aux gros animaux par comparaison avec de plus petites pièces qui seraient communes dans la pratique orientale. Je pense que ce texte de Pausanias nous permet d'infléchir leur interprétation. Il me semble que la combustion d'une part prélevée sur l'animal mis à mort peut être un marqueur de grécité en matière sacrificielle. Or, cette obligation, on vient de le revoir dans la liste que je vous ai soumise, dans l'inscription de Marmarini, n'apparaît que pour la modalité sacrificielle grecque. Il n'y a que dans le cas du nomos grec que l'on a cette référence à une combustion d'une partie de l'animal. Quand il y a combustion dans les autres pratiques, c'est l'holocauste. Or, l'holocauste est une pratique proche-orientale bien attestée. J'en reviens dès lors au texte d'Hérodote, et j'arrive à la fin de mon parcours, j'en reviens au texte d'Hérodote qui nous offre une occasion rare d'opposer sacrifice étranger, en l'occurrence c'est perse, et sacrifice grec. Or, si l'on se concentre sur la manipulation de la carcasse telle qu'il l'évoque, en négligeant les à côté du traitement de la bête, on voit s'opposer en filigrane dans ce texte une déposition intégrale des morceaux de la bête qui sont ensuite enlevés. Donc l'animal est découpé en menus morceaux, les chairs sont cuites, et on fait une litière d'herbe fraîche, et puis on pose dessus les morceaux, on attend un petit moment, le mage psalmodie, et puis on emporte la viande. On a donc cette déposition, et en contraste, même s'il est relativement implicite, vous avez en tête de liste de la comparaison différentielle l'autel et le feu. L'autel et le feu, et donc vous avez en creux une déposition partielle, puisqu'un autel enflammé est donc le premier élément qui apparaît dans la liste. Je conclurai donc que quelque chose comme un homo sacrificiel grec existe bel et bien. Donc que je suis en mesure d'identifier ce niveau de généralité que je cherche depuis le début de ce cours. Notamment en contraste avec ceux des autres peuples où la présentation, la déposition des parts n'implique aucune combustion. Et vous voyez qu'ici, je peux faire converger cette vision que nous donne Hérodote du sacrifice perse avec l'analyse de l'inscription de Marmarini. Et cette pratique coutumière grecque, cet arrière-plan partagé que j'évoquais en commençant, implique de faire se consumer une partie de l'animal mis à mort à la flamme de l'autel. Donc c'est là que se joue, à mon sens, le cœur de cette représentation partagée que j'évoquais tout à l'heure et que je cherchais à définir. Mais à côté de ce nomos au singulier, il faut tenir compte de tous les nomoi, pluriels cette fois, que nous font découvrir des centaines, je le disais, des centaines de règlements épigraphiques et de ces nomoi singuliers, ou en tout cas d'une partie. Je vous parlerai la semaine prochaine. C'était les cours du Collège de France. Vous venez d'écouter le 22 mars 2018 Vinciane Pirandelforge, Polythéisme grec, mode d'emploi, aujourd'hui les normes sacrificielles, partie 1. Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens, les vidéos et les informations autour de cette diffusion, ainsi que l'ensemble des cours de Vinciane Pirandelforge. Sa leçon inaugurale, Le polythéisme grec comme objet d'histoire, est publiée chez Fayard. Iconographie web, Claire Ponsignon. Réalisation, Laure-Hélène Planchet. Présentation, Meryl Moneghetti. Lundi, nous resterons dans la cuisine sacrificielle grecque en compagnie de Vinciane Pirandelforge. Et dans quelques instants, nous retrouvons les petits matins. Belle journée à l'écoute de France Culture.